Femme d'Orient, par Charles de Varigny. Le vaste hall du Palace Hotel de San Francisco retentissait du tam-tam des gongs. L'heure du dîner était proche, et par les grands escaliers aux tapis épais, femmes en robe décolletée, hommes en tenue de soirée, descendaient et se groupaient, au hasard des rencontres, sur les divans moelleux, ou les sièges à bascule chers aux Américains. Arrivé le matin même, j'observais avec curiosité l'étonnant contraste qu'offrait avec mes souvenirs d'autrefois cette foule élégante. 15 ans auparavant, sur ce même emplacement où s'élevait l'hôtel somptueux, le restaurant des mineurs débitait, à 1 $ la portion, ces écuellets de porc salé et de haricots qu'engloutissaient des colosses affamés, en chemise de flanelle rouge serrée à la taille par une ceinture contenant tout un arsenal, aux larges pantalons enfouis dans de hautes et lourdes bottes. Les temps étaient bien changés. Et l'ami qui me faisait les honneurs de la ville s'amusait fort de mon étonnement. Le contraste n'était pas moindre entre les îles tropicales, verdoyantes et parfumées de l'Océanie, d'où je venais, et le ciel brumeux de la reine du Pacifique, entre les brunes canaques couronnées de fleurs et les blondes filles d'Amérique aux coiffures savantes. Mes yeux erraient, charmés, sur cet ensemble luxueux. Produit d'une civilisation fille de l'Europe et la devançant, quand ils s'arrêtèrent et se fixèrent sur un homme adossé à une colonne de marbre et dont la physionomie me frappa. 30 à 35 ans, la taille svelte, d'une haute distinction, beau de visage et taillé en antinous, il était, sans paraître s'en apercevoir, l'objet de l'attention de la plupart des femmes. Une indicible mélancolie se lisait dans ses yeux, dont le regard fixe semblait suivre une pensée qui l'entraînait au loin. À ses côtés, un homme de taille moyenne, solidement charpenté et aux traits vifs et mobiles, lui adressait de temps à autre quelques mots auxquels il répondait brièvement, se replongeant dans sa méditation. Je le désignai à mon ami et lui demandai s'il le connaissait. Oui, il se nomme Frank Dalton, l'auteur d'Aristocratie et de Leila. Lui-même, vous avez lu ses livres? Avec le plus vif intérêt, Leila surtout, ce roman singulier tout imprégné d'une passion âpre et brûlante, et dans lequel un je ne sais quoi, d'inachevé à dessein, irrite, sans la satisfaire, la curiosité du lecteur. Et vous connaissez son histoire? Je suis, vous n'ignorez pas, un revenant de l'Océanie, je ne sais rien. Cette histoire est, comme ce roman de Leila, bien étrange. Mais passons à table, après le dîner, je vous la raconterai. Nous suivîmes la foule et le hasard me fit le voisin de Dalton. Il échangea une poignée de main avec mon ami, lequel me présenta à lui. Plus je l'observais, plus il m'intéressait et m'attirait. Je ne saurais définir le charme singulier qu'il exerçait sur moi. Nous causâmes. J'appris avec surprise qu'il se proposait de prendre passage sur l'Asie pour le Japon et la Chine. De là, il gagnerait l'Inde et l'Europe pour revenir à New York. C'était l'itinéraire que je me proposais de suivre, sauf le retour à New York, et je songeais, moi aussi, à m'embarquer sur l'Asie. Il témoigna sa satisfaction de m'avoir comme compagnon de route. Il ne partait pas seul d'ailleurs, et son autre voisin de table, celui-là même avec qui il causait dans le hall, le suivait. Il me le nomma, M. Brett, lequel s'inclina, m'observant avec soin. Était-ce un de ses amis? Je ne le crus pas. Entre eux deux, je ne voyais aucune affinité. M. Brett manquait de distinction, mais non d'intelligence. Il rachetait son apparence un peu vulgaire par de rares qualités d'observation, à en juger par son regard extraordinairement vif et pénétrant. Ce projet de voyage créait un lien entre Dalton et moi. Nous nous en entretînmes. Il avait déjà visité l'Asie, et à mesure que notre conversation se prolongeait, j'entrevoyais en lui le causeur brillant que je m'étais figuré d'après ses livres. J'y fis une allusion, mais il ne la releva pas, et avec beaucoup de simplicité détourna l'entretien. Le repas fini, nous étions presque amis. M. Brett lui-même prit congé de moi d'un air approbateur, évidemment satisfait, sans que je susse pourquoi, de la perspective d'un voyage entrepris ensemble. Resté seul avec mon ami, je lui demandai son récit. « Il m'intéresse d'autant plus, lui dis-je, que j'en connais grâce à vous le héros, et que je vais avoir l'occasion de voyager avec lui. J'en suis fort aise. Pour lui, peut-être plus encore que pour vous. Il aurait besoin d'un compagnon qui peut le distraire et l'arracher à ses pensées. Il a M. Brett. M. Brett n'est pas de son monde. À vous dire le vrai, j'ignore ce qu'il est. Son homme de confiance, son factotum, son secrétaire, ce que vous voudrez. C'est donc un millionnaire, votre Frank Dalton, mais certainement. Jeune encore, beau, riche, célèbre, que lui manque-t-il donc pour être heureux, et d'où vient sa mélancolie? Mon récit vous l'apprendra. Dalton était, il y a 10 ans de cela, l'un des plus gais et des plus charmants écrivains que l'on put voir. Je le connus alors à New York. Descendant d'Irlandais, orphelin et sans fortune, il luttait pour conquérir un nom. Intelligent, travailleur, instruit, l'avenir lui souriait. D'abord reporter d'un journal, il était devenu correspondant spécial, chargé de missions à l'étranger, puis du compte-rendu des séances du Congrès à Washington. Ses articles, pleins de verve et aussi de talent, attirèrent sur lui l'attention et ne contribuèrent pas peu au succès du journal. Il se fit à Washington une position enviée. Bien vu à la Maison-Blanche, estimé au Congrès, populaire dans les ministères, Dalton était en outre très recherché par les hommes d'État et les femmes élégantes qui font de la société de Washington un monde à part, exclusif et curieux. Le beau Dalton, comme on l'appelait, était le chroniqueur attitré de ce milieu politique, et ses lettres fines, spirituelles, parfois acérées et mordantes, le faisaient redouter et courtiser par les maîtresses de maisons ambitieuses de se concilier les bonnes grâces d'un causeur très écouté et d'un journaliste très lu. Ce fut alors qu'il publia son premier roman, Aristocratie. Le livre eut, dès le premier jour, un grand succès. Dans cette étude, très exacte et très fouillée, de la société de Washington, les hommes politiques louaient des aperçus profonds sur l'avenir de l'Union, les diplomates, une intuition remarquable des vues des gouvernements étrangers, les femmes, enfin et surtout, l'intérêt du récit, la fidélité des détails, la finesse des observations et la science des intrigues mondaines. L'auteur avait habilement évité l'écueil de peindre d'après nature, de faire un roman à clé. Libre à qui voulait de se reconnaître, nul n'était désigné. L'apparition de ce livre fit de Frank Dalton l'homme à la mode de Washington cet hiver. On s'accordait à lui prédire un brillant avenir. Aussi la surprise fut-elle grande quand on apprit tout à coup que Frank Dalton quittait Washington et même les États-Unis. Il avait sollicité, disait-on, et obtenu de son rédacteur en chef d'être chargé d'une mission en Asie où se préparaient alors de graves événements. Il y séjourna plus d'une année et ses lettres datées de Calcutta, de Bénarès et de Bombay, puis de la Chine et du Japon, furent très appréciées. Quand il revint, on apprit avec étonnement qu'il ne revenait pas seul. Il avait épousé à Madras, disaient les uns, à Hong Kong selon les autres, une jeune fille d'une remarquable beauté, créole affirmait-on, d'un père anglais et d'une mère hindoue, orpheline et sans fortune. Les rumeurs les plus bizarres circulaient à ce sujet. Au fond, l'on ne savait rien. On ne rencontrait plus Dalton nulle part. Il habitait alors une villa près de Baltimore. On le disait passionnément épris de sa jeune femme, très heureux et très occupé d'un nouveau roman auquel il travaillait avec ardeur. Il parut en effet sous le titre de Leila. Vous avez lu cette singulière étude de la femme asiatique. Rien d'aussi original, d'aussi puissant, n'avait paru depuis longtemps. Cela ressemblait à un rêve de l'Extrême-Orient raconté par un fumeur d'opium, lucide et d'un rare talent. On se passionna pour et contre, et le bruit qui se fit autour du nom de Dalton était encore à son apogée, quand on apprit successivement que Mrs. Frank Dalton avait disparu mystérieusement, que les recherches les plus actives étaient restées infructueuses, que Dalton était inconsolable, et enfin qu'il héritait d'un de ses oncles une fortune évaluée à 2 millions de dollars. Ce dernier fait est certain, Dalton me l'a confirmé lui-même. Quant à la disparition de sa femme, il n'en parle jamais. Mais jamais, dit-on, on ne l'a vu sourire depuis. Moins d'une semaine après ce récit, l'Asia franchissait la passe du Golden Gate et faisait route pour Yokohama. La grande houle du Pacifique berçait de son mouvement lent et doux le navire impatient qui, forçant de vapeur, creusait de son hélice infatigable le sillon qui ne devait finir qu'à 2 000 lieues plus à l'ouest, sur les côtes asiatiques. Accoudé au bastingage, Frank Dalton suivait des yeux la côte rugueuse qui s'empourprait au feu mourant du soleil et les ébats des otaries se jouant dans les eaux transparentes au pied de la falaise que domine le Lake House. Pendant ces derniers jours à San Francisco, notre intimité avait fait de rapides progrès. La sympathie qu'il m'inspirait éveillait-elle la sienne, ou bien se sentait-il plus à l'aise avec un étranger qu'avec ses compatriotes, dont l'indiscrète et proverbiale curiosité devait souvent le froisser? Quoi qu'il en soit, il les évitait et me recherchait. Nous avions passé, avant notre départ, de longues heures ensemble à parcourir la ville et ses environs, moi, retrouvant les traces d'un passé déjà lointain, lui, s'étonnant de mes étonnements devant les prodigieux changements que quelques années avaient amenés. « Nous vivons plus vite qu'aucun autre peuple, » me dit-il un jour. « En sommes-nous plus heureux ?»« Chez nous, en peu de temps, tout change. Nous ne reconnaissons plus les localités que nous habitions hier. Pourquoi faut-il que les souvenirs du passé, toujours vivants et présents, nous hantent ?» Sur eux aussi, le temps agit. Je le croyais, mais j'en doute maintenant. Les invalides souffrent de leurs membres amputés. Je me tus et ils m'ont su gré. L'heure des confidences n'était pas encore venue. Elle vint alors que je m'y attendais le moins, et M. Brett en fit naître l'occasion. Toujours poli et taciturne, il ne cherchait nullement à se mettre en tiers entre Dalton et moi. J'observais même qu'il n'avait jamais l'air plus satisfait que lorsqu'il nous voyait assis sur le pont, fumant et causant, installés pour de longues heures. Il avait pour Dalton des prévenances que l'on n'eût pas attendues de lui. Il savait ses livres préférés, il connaissait ses habitudes et devinait même ses désirs. « Brett, dis-je un soir à Dalton, est pour vous un compagnon dévoué. Vous alliez dire un ami. L'autre mot est plus juste. C'est en effet un compagnon dévoué. » Puis, après un instant de silence, il reprit « Qui croyez-vous que soit Brett ?» Et comme je me taisais, il ajouta « Brett est le seul homme qui me connaisse et qui me reste attaché, par intérêt. » Je craignis qu'il ne se repentît d'en avoir trop dit et m'abstins de répondre. Je ne le pouvais qu'en l'interrogeant et je m'en faisais scrupule. Si vous saviez, reprit-il, combien lourd est parfois le silence que je m'impose, combien cruelle cette privation volontaire de tout épanchement et de toute sympathie, vivre avec ses pensées, ses souvenirs, son attente, si folle soit-elle, à n'en parler à personne qu'à Brett, qui m'écoute, me sert et ne me comprend pas. Eh oui, ajouta-t-il, sur un geste que je fis, j'ai eu des amis. Autrefois, je n'en ai plus. Je vis seul, toujours seul, avec un fantôme muet, et par moments, j'ai peur de devenir fou. Vous en prenez le chemin, lui dis-je sérieusement. Nul être humain ne saurait se condamner sans danger à une pareille existence. Les criminels eux-mêmes ne peuvent taire à jamais leurs remords et leurs craintes. Le mutisme qu'ils s'imposent les étouffe, tandis que vous, moi, je n'ai pas de remords. Je le crois, du moins. Et encore, que sais-je ? Fit-il d'un geste découragé. « Mais je suis là, et bien malheureux. Peut-être, à vous dire mon histoire, soulagerai-je mon cœur. Vous êtes étranger. Vous avez pour moi de la pitié. Nous ne sommes peut-être pas destinés à nous revoir, ce voyage fini. Gardez-moi le secret tant que je vivrai. Après moi, je vous en délie. Soit, lui dis-je, parlez. Je vous promets ce que vous me demandez. Vous avez lu mon roman de Leila ? Il est en partie mon histoire. Mais je n'y ai pas tout dit. J'ai gardé quelques feuillets, notes écrites un jour pour moi seul, et que je ne voulais pas publier. Je vais vous les remettre, lisez-les. Ils m'épargneront l'effort d'un récit trop pénible. Si étrange que ce récit vous paraisse, si peu de rapport qu'il semble avoir avec le drame de ma vie, il en est l'inoubliable point de départ. Après avoir lu, vous ne comprendrez peut-être pas encore, je vous dirai le reste. Le soir même, Brett me remettait de sa part quelques feuillets d'une écriture fine, rapide, sans rature, daté de Yedo, et écrit sous l'impression d'une vision poignante. Je l'ai traduit de mon mieux. J'ai vu. J'ai compris enfin la mystérieuse attirance de la femme d'Orient. Lentement familiarisé avec les formes et les couleurs dont l'Asie garde le secret, j'entrevoyais, comme derrière un voile, un être inconnu et redoutable. Le voile s'élevait, l'idole m'est apparue, vivante, immobile et muette dans son cadre étrange. À travers les fenêtres étroites de la pièce que je revois comme en un songe, filtre un jour tamisé par les stores de soie, sur lesquels un pinceau savant a semé des papillons butinant des fleurs, et dans un vapeur lointain, un vol d'oiseaux est perdu. Au-dessus, planent l'épervier aux ailes frémissantes. Les cloisons tendues de nattes disparaissent sous des tentures légères où se déroule un rêve japonais. Paysages fantastiques et jardins féeriques aux ponts aériens, yémas monstrueux, arbres séculaires et tordus penchés sur des lacs stagnants aux reflets d'acier, gigantesques nénuphars, rochers moussus, rivières aux eaux rapides, que traverse à gué une troupe grotesque d'aveugles égarés, et à l'horizon, l'éternel Fujiyama, dressant au-dessus d'une mer de collines moutonneuses, sa cime saupoudrée de neige. Sur un siège large et bas que recouvre une peau de tigre de Corée, Leïla repose. Sur ses épaules se déroule son kérimon aux larges plis soyeux brodés d'or. L'inépuisable fantaisie d'un incomparable artiste a dessiné sur l'étoffe les plus monstrueuses conceptions que puisse engendrer un cerveau asiatique. Scènes infernales, âmes chargées de crimes comparaissant devant le grand juge, expiant leur forfait dans des chaudières d'eau bouillante ou métamorphosées en bêtes hideuses. Sa figure pâle, d'un blanc mat, se détache en relief saisissant sur le fond noir lamé d'argent des épais coussins. De longues épingles de bronze maintiennent sa lourde chevelure noire et surmontent d'une auréole de ciselure exquise un front bas, des yeux largement fendus, sombres et énigmatiques, un nez aux ailes transparentes et fines, une bouche petite, aux lèvres teintées de rose. Leïla est belle, d'une beauté étrange, incompréhensible et voilée aux yeux d'un Européen, que déconcertent ses traits asiatiques, ses formes grêles, cette anatomie d'androgyne, ce regard de sphinx dont les subtilités lui échappent, ses gestes mystérieux à peine esquissés pour d'autres et pour moi imprégnés d'une irrésistible éloquence. Leïla est célèbre. Les poètes ont exalté ses charmes, les peintres ont immortalisé ses traits, les sculpteurs divinisé ses formes. Nouveau Praxitèle, sous leurs habits ébauchoirs, la frinée de Yoshiwara est devenue la Vénus du Japon. Comme la frinée antique, elle pourrait reconstruire de ses trésors une Thèbe d'Asie. Et de même que la belle et docte Aspasie enchaînait Périclès, elle attire à elle les plus fiers Daimos, esclaves de ses caprices. Leïla est riche. Nobles et samouraïs, bourgeois et marchands se disputent à prix d'or ses sourires. Les femmes la redoutent et ne prononcent son nom qu'en tremblant. Près d'elle, les fortunes croulent et les ruines s'entassent. Elle est fière du nombre de ses victimes, fière des suicides et des meurtres dont elle est cause, fière du mépris souverain que lui inspirent les hommes, fière de l'empire satanique qu'elle exerce. Cet orgueil, elle l'affiche. Ce mépris, elle l'étale. C'est par son ordre que les plus habiles ouvriers de Tokyo ont reproduit sur les plis flottants de son kirimon ces scènes de l'enfer, ces représentations du sort qui attend ses adorateurs, audacieux défi à l'aveugle passion qu'elle inspire. Sur son trône noir, l'aimé d'argent, Leïla, reine des enfers, repose, entourée de ses suivantes. Elles préviennent et devinent ses désirs. Elles portent ses couleurs et sa livrée. Dans cet enfer du Jankiro, où elles vivent, où, enfants, leurs mères les ont amenées, autant pour les soustraire à la misère que pour l'or qu'elles ont reçu en échange, servir Leïla est une insigne faveur. Plus d'une a vu s'abaisser sur elle les regards brûlants d'adorateurs dédaignés par l'idole. Plus d'une, formée avec un art savant pour plaire et charmer, a conquis là un amant qui l'a racheté et est devenu son époux. Dans ce Jankiro, qu'entoure une infranchissable muraille, dans lequel on ne pénètre que par une porte étroite, se trouve réuni tout ce qui peut séduire les yeux et captiver les sens. Jardins ombreux, fleurs aux enivrants parfums, somptueuses salles de banquet, théâtre, boudoirs discrets et voluptueux réduits. L'art asiatique qui étale ses merveilleuses productions, ses riches tentures, ses meubles bizarrement sculptés, ses bronzes, ses écrans et ses nattes. Tout le jour, le Jankiro est désert et muet. Quand la nuit vient, le ciel sombre s'illumine, une lueur flotte au-dessus de la haute muraille, au long de laquelle passent des ombres rapides, voilées, qui disparaissent par la porte entrouverte. Au dehors de l'enceinte mystérieuse, on n'entend que le chant lointain des suivantes, la cadence des instruments accompagnant les évolutions des danseuses. Elles défilent sur un rythme bizarre, déployant leurs longues théories de costumes éclatants, le bas du visage voilé de leurs éventails, au-dessus desquels brillent des yeux agrandis par le col. Elles ne marchent pas, elles glissent, et les bustes flexibles semblent onduler au vent, tant chacun d'eux reproduit fidèlement la même inflexion. Pas un geste qui ne soit étudié, pas un regard, pas un mouvement des longs doigts effilés, pas un pli des lèvres qui n'ait sa muette éloquence. Toute une scène de coquetterie, d'amour et de passion, tout un drame savamment agencé, merveilleusement rendu, déroule ses nuances subtiles, ses insaisissables péripéties. Elle s'écarte, et là il apparaît, immobile, dans une pose extatique. À l'appel répété de l'orchestre, la statue s'éveille, sa poitrine se gonfle. Un sourire énigmatique éclaire ses traits, et sur les spectateurs troublés passe un souffle mystérieux. Dans le regard, expressif et mobile, reflet d'indéfinissables nuances graduées avec un art infini, dans l'être tout entier, lentement illuminé d'une flamme intérieure, se révèle un poème d'hésitation, de tendresse, de haine et de colère, une mimique merveilleuse de gestes courts et sobres, de frissons subis, de langueurs subtiles, d'éclairs fugitifs, un drame de passion dans une âme asiatique. Que disent donc ces mains effilées, ces lèvres expressives et muettes, cet énigmatique regard? Quelle langue parle-t-il? Quelle voix soulève-t-il? Quelle vision, quelle promesse laisse-t-il entrevoir? Vision du ciel ou de l'enfer? Annihilation de l'âme individuelle dans l'âme universelle? Ou absorption d'une âme par une autre? Éternelle contemplation d'un passé sans limite dans un repos sans fin? Ou passion toujours ardente et jamais assouvie? Je ne revis Dalton que le lendemain soir. Il m'interrogea d'un coup d'œil scrutateur. « Vous avez lu et compris ?»« En partie. » « Leila, c'est elle, celle que vous avez perdue ?»« Oui. » « Pourquoi? Comment l'aimais-je ? » Question oiseuse. « Sait-on comment ces choses arrivent ? Qu'y avait-il de commun entre cette femme et moi ? Tout nous séparait. » Un caprice, soit. Cela pouvait à la rigueur s'expliquer. Une passion, folie. Et ce fut une passion. En l'allant voir, je cédais à un mouvement de curiosité. Depuis près d'un an, en Perse d'abord, aux Indes ensuite, je m'absorbais dans l'étude de ce type étrange et redoutable de la femme d'Orient. Mieux que nous, les anciens l'ont connue. Elle a joué un rôle dans leur histoire. Elle fut esclave, courtisane, impératrice à Byzance. Pour mon malheur, je m'acharnais à comprendre son inexplicable puissance. Quand je compris, le sphinx m'étreignait. J'aimais Leila. Je l'enlevais, ou plutôt, Leila me suivit. J'étais fou, au point de vouloir l'épouser. Elle s'y refusa. Elle acceptait mon amour, non des liens. Elle m'aimait, disait-elle, mais pour combien de temps? Elle n'en savait rien. Elle voulait rester libre. Elle me suivrait où j'irais. Elle me suivit jusqu'aux États-Unis. Je la dis ma femme, elle ne l'était pas. Je l'installai dans une villa, nous y vivions seuls. Je travaillais au roman qui porte son nom. Dans les heures lucides que me laissait ma passion, psychologue implacable, j'étudiais mon modèle. Je sondais cette âme, nonobstant les souffrances aiguës qu'avivait, sans les comprendre, son implacable franchise. Je la questionnais sur son enfance, ses amours, ses impressions, ses souvenirs. C'est elle qui vit dans mon livre. Après ces heures de travail, je cherchais dans notre amour le remède à mes maux. Je lui demandais ce que l'homme demande en vain à la sensation, l'oubli des douleurs morales. Je vivais d'une vie étrange, qui ne pouvait ni ne devait durer. J'en avais parfois l'intuition rapide, fulgurante comme un éclair, mais de moi-même, je me replongeais dans ma nuit. Ah, je l'ai connu et compris cet empire que la femme d'Orient peut exercer sur nous autres Ariens, fils d'Ariens, que des liens subtils et puissants unissent à elle. Si faiblement rendu qu'il soit dans mon livre, c'est cet empire que j'ai tenté de peindre sans y réussir, paralysé que j'étais par un dernier scrupule qui arrêtait ma plume, qui m'empêchait de crier. C'est elle, et c'est moi. Quelques-uns ont soupçonné la vérité. La plupart de mes lecteurs n'ont vu dans ces pages où s'épanchait ma souffrance qu'une fiction étrange inventée à plaisir. Mieux que moi, et avant moi, Leila lut en moi. Ce qui n'était à mes yeux qu'une vision importune que j'écartais fut au sien une réalité prévue. Mon amour avait-il lassé son amour? Fût-ce indifférence ou pitié en elle? Mais d'une main implacable, elle trancha le nœud de nos destinées. Appelée à New York par la vie d'une succession inattendue, je dus la quitter pour quelques jours. La mort d'un oncle que j'avais perdu de vue me faisait l'héritier d'une fortune qui dépassait tous mes désirs. Je n'y voyais que le moyen de satisfaire une fantaisie, jusqu'alors irréalisable, d'entourer Leila du luxe dans lequel elle m'était apparue, et qu'elle ne devrait qu'à moi de replacer l'idole dans son cadre. S'y mêlait-il quelque espoir inavoué de reconstituer, par des signes matériels et tangibles, la barrière d'idées et de traditions qui nous séparait? Je ne sais. Je me débattais contre l'absorption de tout mon être par cette femme, absorption que j'intensifiais moi-même inconsciemment par le travail d'analyse obstiné auquel je me livrais. Quand je revins chez moi, Leila n'y était plus. Je ne l'ai pas revue depuis. Je la connaissais trop pour me faire des illusions, pour espérer, sinon la retrouver, du moins la reconquérir. Chez ces êtres d'une seule idée, l'inflexible volonté accomplit des prodiges, efface jusqu'à la trace des pas, jusqu'au souvenir de la passion partagée. Je ne l'ignorais pas, et cependant, pour découvrir la retraite de Leila, je fis l'impossible. Son image me hantait. Sans elle, ma vie était sans objet. La fortune me venait à point, j'en usais, et les plus habiles détectives, stimulés par l'appât du gain, fouillèrent pour moi l'ancien et le nouveau monde, le Japon, la Chine, les Indes, l'Océanie, sans succès. Lassés, découragés, ils m'abandonnèrent les uns après les autres. Un seul m'est resté fidèle. Monsieur Brett ? Oui. Il espère toujours. Il compte sur le hasard. Le hasard interviendra trop tard. Vous guérirez avant ? Non. Je mourrai. C'est plus facile. Je dois vous faire l'effet d'un fou, et de fait, je le suis peut-être. Fou lucide. Je retrouverai Leila demain. Eh bien, son regard froid m'achèverait. Je n'ai ni espoir, ni illusion, ni remords de mon existence sacrifiée à une idole, dont je n'ai pas même réussi à fixer les traits, comme le fit un grand peintre sur une toile que je crois voir encore au Jean Quiraud, ou dans un livre, œuvre inachevée comme ma vie. Puis, ajouta-t-il d'une voix sourde, je suis à bout de force. Je voyage sans relâche, à la recherche de l'insaisissable, d'un rêve, d'un fantôme. Et le jour où la réalité prendrait sa place, la réalité me tuerait. Brusquement, il me quitta et regagna sa cabine. La nuit était belle. Sous un ciel constellé d'étoiles, sur une mer calme et phosphorescente, l'Asia courait à toute vitesse. Encore 2 jours et nous aborderions aux rives du Japon. Qu'allait-il y faire ? Revoir les lieux où Leila lui était apparue ? Était revenu, peut-être ? Disait-il vrai et allait-il à sa perte ? Son récit m'avait profondément ému. Sa confiance m'avait été au cœur. Je résolus de ne pas le quitter et le lendemain je le lui dis. Il accepta avec reconnaissance. Débarqué à Yokohama, nous n'y restâmes qu'un jour et partîmes pour Yedo. C'est fête solennelle dans la grande ville. Les prêtres de Sano célèbrent aujourd'hui la mémoire de Zinmon, fondateur de l'Empire du Soleil Levant. Aujourd'hui, franchissant l'enceinte du Jankeiro, Sinoko apparaîtra aux yeux avides de la foule. Sinoko, je le sais, M. Brett nous l'a révélé, c'est Leila, l'idole du Jankeiro, mystérieusement disparue, mystérieusement revenue pour la cérémonie sacrée. Le calme de Dalton m'étonne et m'effraie. Il veut la revoir et a pris d'or. Il a fait revenir une estrade où nous pourrons assister au départ et au retour du cortège. J'entretiens M. Brett de mes appréhensions. Il les partage, mais sa tâche est finie. Il nous quitte dans 2 jours, nanti d'une lettre de change sur San Francisco. Dalton a royalement rémunéré ses services. M. Brett avait réussi à retrouver la trace de Leila. Par l'Europe, les Indes et la Chine, elle avait lentement regagné le Japon, que les émissaires de Dalton avaient fouillé sans succès et où nous débarquions 2 jours seulement après elle. Les calculs de M. Brett étaient exacts, le reste ne le regarde plus. À l'heure dite, nous prenons place. Dalton est d'une pâleur mortelle. Au fracas des gongs qui annoncent le départ du cortège, il tressaille et se lève. La procession des Matsuri s'ébranle. Tegon, démon des songes et messager des dieux, ouvre la marche, suivi des hideux cauchemars et des blêmes terreurs. Après le défilé des guerriers et des monstres, des antiques bannières, des prêtres et des koskei, serviteurs chargés des bases du sanctuaire, après les chars des tigres de Corée et du coq de Daisy, un groupe s'avance, précédé de transparents et de lanternes aux armoiries de Yoshiwara, salué des acclamations du peuple qui se presse, impatient de contempler les traits de la Dame des Enfers. Voici d'abord la Dame aux têtes de mort, la Dame aux candélabres, la Dame aux grues, la Dame aux poissons d'or. Parée de leurs plus riches atours, l'édifice compliqué de leur coiffure est soutenu par de larges peignes entrelacés de crêpes et renforcé par une auréole de gigantesques épingles d'écailles blondes. Leur visage resplendit d'un éclat emprunté aux fards les plus exquis. L'ample kirimon qui recouvre leurs épaules porte leurs noms richement brodés, et sur leurs costumes de parade s'étalent leurs significatives armoiries. Derrière ces 4 courtisanes renommées, qu'escortent leurs suivantes vêtues de leur livrée, Sinoko s'avance, promenant sur la foule délirante un indéfinissable et hautain sourire. Seule, elle n'a ni fardé son pâle visage, ni noyé dans de riches soieries sa taille élancée. Sur les pans de son léger kirimon qui flotte au vent, se dessinent en relief des scènes infernales, des monstres aux croupes frémissantes, aux yeux altérés de sang. Tout un peuple de suivantes l'entoure et derrière elle, surmontant son large parasol déployé que porte un gigantesque koskei, Hercule bronzé, l'effigie d'un singe à face rouge, au ricanant rictus, darde sur la foule ses yeux ironiques. Lentement, la Matsuri de Sano, précédée et suivie de musiciens, déroule au son strident des instruments, devant des milliers de spectateurs, son interminable procession. par la porte étroite du Janquero, la dame des enfers rentre enfin. Souveraine, elle a passé son peuple en revue, et lasse de clameurs et de cris, dans le grand silence de l'enfer du Janquero, dans le voluptueux demi-jour de son palais, sur un divan large et bas, elle repose. Dalton l'a suivie, et je ne l'ai pas quittée. Comment avons-nous pu forcer la porte de l'enceinte et pénétrer jusqu'à elle, je ne m'en souviens plus. Elle et lui échangent un long regard. À son nom, prononcé avec un accent passionné et déchirant, Leila détourne la tête. Je vois alors Dalton porter à ses lèvres un flacon et d'un trait en boire le contenu. Chancelant, il tombe comme foudroyé sur une peau de tigre au pied de la femme d'Orient, impassible, énigmatique, telle que le peintre Okio l'a représentée. Le regard voilé par ses longs cils, sphinx mystérieux, idéal asiatique un instant entrevu par un grand artiste, reproduit par son incomparable pinceau, figé à jamais en une hiératique idole. Ainsi s'achève Femme d'Orient de Charles de Varigny.